بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل أيها الإخوة في هذا الكتاب أصول الإيمان للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله continue donc chers frères ce livre Les fondements de la foi de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Et donc l'auteur qui nous dit, rahimahullah, concernant le hadith numéro 124, « Wa an ibn Mas'udin radiyallahu anhu kal, alaykum bil ilmi qabla an yukbad. » Avant de citer le hadith, justement, excusez-moi. On a vu lors du cours précédent que le fait qu'on délaisse l'application de la science, le fait qu'on délaisse les œuvres, ceci est une cause qui entraîne la disparition de la science. Et il y a un exemple que j'avais noté, j'ai oublié de vous le citer. أيها الإخوة نحن في زمننا هذا قد كثرت الآلات والأمور التي تساعدنا على الحفظ. Aujourd'hui, on a à notre époque, beaucoup de choses qui nous aident concernant la mémorisation ou l'enregistrement des informations. À notre époque, عندنا التسجيلات, les enregistrements des cours. عندنا كذلك انتشار الكتب, la propagation des livres. On a Internet. On a دروس عن بعد, le fait d'assister à des cours à distance. On a énormément de moyens qui nous aident concernant l'ilm, la science. طيب, هل كثر العلماء أو لا? Est-ce que le nombre des savants a augmenté ou pas? Non, il n'a pas augmenté. Et donc, peu importe les moyens qu'on utilise, si derrière la communauté n'œuvre pas avec cette science disparaît. Cette science disparaît. Et donc, il est important, chers frères, on voit encore l'importance de vrai avec la science. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, wa an ibn Mas'udin radiyallahu anhu qal, alaykum bil ilm qabla an yukbad, wa qabduhu dhahab ahlihi. Alaykum bil ilm, fa inna ahadakum la yadri meta yuftakaru ilayh, aw yuftakaru ila ma indah. Wasetajiduna akwaman yaz'umuna annahum yad'uuna ila kitabillah. وَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَأَ ظُهُورِهِمْ عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدَعْ وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدَعْ وَالتَّنَطُّعْ وَالتَّعَمُّكْ وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقَ رَوَاهُ الدَّارِمِي بِنَحْوِهِ. Selon le Mas'ud رضي الله عنه qui dit accrochez-vous à la science avant que celle-ci soit enlevée. Et donc, tu dois apprendre avant que la science disparaisse. Et la disparition de la science est, se fait par la disparition de ces, donc, des gens de science. Les savants. Accrochez-vous à la science, car aucun d'entre vous ne sait quand on aura besoin de lui ou quand on aura besoin de ce qu'il possède comme science. Vous allez trouver des gens qui prétendent appeler au livre d'Allah. Des gens qui prétendent être des savants. Ils prétendent appeler au livre d'Allah alors qu'ils l'ont jeté derrière eux. Accrochez-vous à la science et méfiez-vous des innovations ainsi que de l'exagération. Alaykum bil atiq, et accrochez-vous à l'ancienneté. Et donc, cette parole d'Ibn Mas'ud, ou qui a été attribuée à Ibn Mas'ud, elle est très importante aux chers frères. Et l'auteur, il nous dit donc que ça a été rapporté dans le recueil de Darimi. Al-riwaya al-madhkura fi sunan al-Darimi, hiya min tariq Abi Qilaba an Ibn Mas'ud. la narration qui est citée dans le recueil de Darimi, elle passe par Abi Qilaba selon Ibn Mas'ud. Wa Abu Qilaba lam yasma' min Ibn Mas'ud. Abu Qilaba n'a pas donc entendu d'Ibn Mas'ud, il n'a pas rencontré Ibn Mas'ud. Wa hadha al-athar lahu isnad akhar min tariq Abi Idris. Et donc ce athar, cette parole d'Ibn Mas'ud, elle a une autre chaîne de transmission qui passe par Abi Idris et qui a été rapporté par Al-Bayhaqi. Donc dans son livre Al-Madkhal, il a Sunan. Et donc le Madkhal, il a As-Sunan ou As-Sunnah. Et donc lorsqu'il nous dit donc cette parole d'Ibn Mas'ud, alaykoum bil-ilm, accrochez-vous à la science, apprenez la science avant que celle-ci ne disparaisse. Comme on a vu lors des cours précédents, aujourd'hui ça devient de plus en plus difficile. Il y a des frères qui ont voyagé dans un pays aujourd'hui et il n'y a pas de cours. Aujourd'hui ça devient de plus en plus difficile. On va étudier où, on fait comment, etc. فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضْ وَقَالَتِ الْعُلَمَاءَ عَلَيْكُمْ بِطَلَبِ الْعِلْمِ مَعَ وُجُودِ الْعُلَمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبُوا. Apprenez la science pendant que les savants ils sont encore présents, avant qu'ils ne disparaissent. Avant qu'ils ne disparaissent. Avant que tu ne dises Rahimahullah, j'aurais bien aimé pouvoir voyager auprès de lui pour prendre des cours. Si seulement, c'est trop tard après. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller étudier auprès des gens de science? Et donc, c'est important, chers frères, qu'on accorde de l'importance à ce sujet, talabul ilm, l'apprentissage de la science. Car tu ne sais pas, tu ne sais pas quand on aura besoin de toi. Beaucoup de personnes, ils n'apprennent pas de toute façon, je ne suis pas un savant, etc. Un jour, ils se retrouvent comme ça dans une situation où là, on a besoin de lui. Ta famille, tes proches, ils ont besoin que tu leur enseignes. Ils sont tombés dans un sujet grave, shirk, etc. Ils ont besoin que tu sois là pour eux. Tu vas aller prendre un billet pour aller chercher Cheikh Fawzan pour le ramener ici? Non, il faut que tu sois là, toi. Et donc, tu ne sais pas quand on aura besoin de toi. Alors, apprends. Vous allez trouver des gens qui prétendent appeler au livre d'Allah, des gens qui prétendent être des savants. Mais comme sont nombreux ces gens-là à notre époque, ceux qui prétendent être des savants. Alhamdulillah, nous avons vu beaucoup de caractéristiques des savants dans ce livre. Et nous verrons d'autres caractéristiques encore. Il est important de savoir reconnaître les ulama et de savoir reconnaître les caractéristiques qui ne font pas partie des caractéristiques des ulama, même s'ils montrent qu'il en fait partie. Fal'alimu mathalan la yakzifu nas. Le savant, par exemple, il ne va pas traiter les gens de fornicateurs. Un savant ne fait pas ça. Ça fait partie des grands péchés. Même si toute la terre, il dit l'allem. Même si toute la terre, ils disent el-hafid. Toi, tu sais pertinemment que ça fait partie des grands péchés. Min kitabillah tabaraka wa ta'ala. Et donc, il faut, ô chers frères, qu'on distingue les savants de ceux qui prétendent être des savants. Tu n'es pas savant juste parce que tu as de la science. La takunu aliman bi mujarrad annaka tahfaz. Bal la budda min al-amal. Il est impératif d'œuvrer. Le fait d'œuvrer, d'appeler les gens à œuvrer à cette sunna. Et donc il est important, chers frères, qu'on distingue, qu'on fasse la différence entre les savants et ceux qui se prennent pour des savants. وكذلك في هذا إشارة إلى أمر مهم. يقول وقد نبذوه وراء ظهورهم. Certes, et donc ces gens-là prétendent appeler au livre d'Allah, ils prétendent être des savants, mais ils l'ont jeté derrière eux. Ils l'ont délaissé le livre d'Allah derrière eux. Tu lui dis qual Allah, qual Rasulullah. Non, je reviens pas. Je ne reviens pas. Non. Pourquoi ? Parce qu'on a quelque chose qui est devenu plus important que ce livre. Il y a quelque chose. Ça peut être Al-Makana, le rang que tu as auprès des gens. Ça peut être de l'argent. Ça peut être autre chose. Mais il y a quelque chose qui fait que tu délaisses ce livre aujourd'hui. Les savants, dans la parole, concernant le tafsir de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَبَهُ بِشِمَالِهِ. Concernant celui dont son livre lui sera donné par à la main gauche, par la main gauche. Dans un autre verset, derrière leur dos. Cheikh Ibn Uthaymeen, il nous dit ici, هذا فيه إشارة إلى أن هؤلاء نبذوا كتاب الله تبارك وتعالى وراء ظهورهم في الدنيا والعقوبة من جنس العمل. Il y a ici le fait que ces gens-là, ils ont délaissé le livre d'Allah تبارك وتعالى et l'ont placé derrière leur dos ici-bas. Et la sentence est du même genre que l'œuvre. Alors, Yawm al-Qiyamah, ils prendront leur livre de la main gauche derrière leur dos. C'est grave, mon cher frère. C'est grave qu'on te dise « Qual Allah, Qual Rasulullah » et tu ne veux pas entendre, tu bouches les oreilles. « Je ne veux rien savoir. » C'est grave. Et les ulama, « Yu'adhimuna kalim Allah » Les ulama, ils accordent beaucoup de valeur à la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et aussi dans cette parole, dans ce athar, il nous met en garde bien sûr contre l'innovation. Et il nous dit wa alaykum bil atiq. Accrochez-vous à l'ancienneté. Ce qui est voulu par là, c'est al aw nam ashabu nabi sallallahu alayhi wa sallam wa al qurun al mufaddala. Ce qui est voulu par là, donc ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de façon générale les premières générations. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrun nasi qarni, les meilleures des générations, la meilleure des générations est la mienne, puis ceux qui viennent après, puis ceux qui viennent après. Et donc il faut qu'on s'accroche à ces générations là. Pourquoi? Qalat al ulama li anna haula bayyanu lana at-tariq qabla an yadkhula ad-dakhil. Ces gens-là, de ces premières générations-là, ils nous ont montré la voie avant que toutes les maladies, les innovations ne rentrent, ne pénètrent que la communauté musulmane. Et donc, si tu veux savoir quel est l'islam authentique, avant que la division n'arrive, avant que les ambiguïtés ne se propagent, regarde là-haut, là-bas, les premières générations. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ عَنْ ابْنِ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ أَوْ يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِمَوْتِ الْعُلَمَاءِ حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Dans le Sahihain, selon Ibn Amr, qui attribue la parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, certes, Allah ne fait pas disparaître la science en l'enlevant des serviteurs. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, il fait disparaître la science par la mort des savants. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus un savant. À ce moment, les gens prendront des leaders ignorants et les interrogeront. Alors, ceux-là vont émettre quoi, des fatwas sans science, vont s'égarer et vont égarer les autres. Ce hadith qui est très connu, qu'on a déjà répété plusieurs fois. وهذا الحديث أيها الإخوة يبين لنا سببا آخر من أسباب ذهاب العلم. Et ce hadith, il nous montre une autre cause parmi les causes de la disparition de la science. On a vu parmi les causes de la disparition de la science, كون الناس يتركون طلب العلم, le fait que les gens vont délaisser l'apprentissage de la science. كون الناس يتركون العمل بالعلم, le fait que les gens vont délaisser le fait d'œuvrer avec la science. La mort des savants. Aujourd'hui, tu te dis, subhanallah, s'il y a tel et tel savant qui meurt, et un tel, ça va être difficile après. Lorsque je donne les fitan, les nawazil, c'est difficile. Et donc, il est important, chers frères, qu'on invoque Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il préserve nos savants. Parce que lorsque le savant meurt, c'est beaucoup de science qui part. C'est beaucoup de science qui part. وكذلك في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلوا. Et aussi dans ce hadith, le prophète qui nous dit, alors il s'égare et ensuite égare les autres. Quelle est la cause? Quelle est la cause de l'égarement et du fait d'égarer les autres? Lorsqu'on médite sur le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Fais-sou ilou » alors ils sont interrogés. « Fais-eftaou bi-gayri ilm » alors ils émettent des fatwas, des avis juridiques sans science. « Fais-dollou » alors là ils s'égarent. « Fais-sebabou dolel » هو الكلام في دين الله تبارك وتعالى بغير علم. La cause de l'égarement, c'est le fait de parler de la religion d'Allah تبارك وتعالى sans science. كون الرجل لا يعرف الجواب ليس عيبا. Le fait que l'individu ne connaisse pas la réponse, ce n'est pas blâmable. Ce n'est pas blâmable. Tu ne peux pas tout savoir. ولكن العيب أن يتكلم وهو يعرف أنه لا يعلم الجواب. Ce qui est blâmable, c'est le fait qu'il parle en sachant qu'il ne connaisse pas la réponse. Voilà ce qui est blâmable. Et nous sommes tous concernés par cela. Tous. À n'importe quel moment ou un autre, il y a des gens qui viennent te voir. Est-ce que c'est quoi le jugement de ça? Est-ce que tu connais le jugement de ça? Est-ce que tu connais? Ça peut être ton épouse, ça peut être tes enfants, ça peut être ton frère, ça peut être ton père, ça peut être tes voisins. Et on est là, parfois, on ne connaît pas la réponse. Non, mais c'est ça. C'est ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et tu sais très bien que tu ne connais pas la réponse. هذا اسمه ضلال. Ça s'appelle de l'égarement. De l'égarement. Et donc, il faut qu'on apprenne, ô chers frères, à donc nous taire quand on doit se taire. Parler quand on doit parler, mais surtout se taire quand on doit se taire. Ça, c'est très important, ô chers frères, barakallahu fikoum. Le dernier hadith qu'on voit aujourd'hui, inshallah ta'ala, An Ali, radiyallahu anhu, kol, le hadith numéro 126. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود رواه البيهقي في شعب الإيمان. Selon Ali radiallahu anhu qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il viendra une époque où, donc durant laquelle il ne restera de l'islam que son nom. Il ne restera de l'islam que son nom. Il ne restera du Coran que son écriture. Et les messages, donc leurs mosquées, les mosquées des gens à cette époque-là, elles seront peuplées et bâties. Et pourtant, ce seront des ruines de science, des ruines de guidée. Pas de guidée, aucune guidée. Leurs savants seront les pires individus qu'il y a sur Terre. Tahta Adim Semes, c'est-à-dire à l'Ard. Les pires qui seront sur Terre seront leurs savants. C'est à partir d'eux, à partir de ces savants-là, que sortiront les fitnas. Et c'est vers eux qu'elles retourneront. Rapporté par Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman. Cheikh Arafat, hafidahullah, il nous dit « Hadha al-athar da'ifun jiddan ». Il nous dit donc ce athar, ou ce hadith, il est très faible. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans la chaîne de transmission Abdullah ibn Dukay. Abdullah ibn Dukay, il a fortement été critiqué. Ibn Ma'in, il nous dit « Laysa bishay ». Il n'est rien. C'est vraiment, ces ahadiths ne valent rien. Délaissez ces ahadiths. Et aussi, un gros problème qu'il y a dans ce hadith, c'est qu'il est, donc il passe par donc Ali ibn al-Hussein. Donc de Ali ibn al-Hussein à Ali ibn Abi Talib. Donc la chaîne de transmission, à la fin, elle passe par Ali ibn al-Hussein à Ali ibn Abi Talib. Ali ibn al-Hussein, il n'a pas rencontré son grand-père, Ali ibn Abi Talib. Il n'a pas appris la science de lui. Et donc lorsqu'on nous dit de Ali, fils de l'Hussein qui est le fils de Ali ibn Abi Talib, mais Ali n'a pas pris la science de Ali. Et donc il manque quelqu'un entre les deux. Et donc cette chaîne de transmission, elle est faible. Cependant, il y a dans cette parole attribuée donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam des informations très importantes dont nous trouvons des sources dans d'autres textes. Et comme on l'a dit précédemment, l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, il a parmi ses particularités le fait de citer des hadiths qui parfois, si certains peuvent être faibles, mais le sens est correct et conforme à d'autres textes qui sont authentiques. Mais il ne cite pas des hadiths qui sont totalement faibles dans la chaîne de transmission et qui ont un sens contraire aux hadiths authentiques. Ça fait partie des particularités de cet imam, rahimahullah. Et donc dans la parole, « La yabqa min al-islam illa smuhu ». Il ne restera de l'islam que son nom. Attention, la yufhamuhuna et takfir. On ne comprend pas ici le fait de rendre les gens mécréants. Et donc, ici, il est important de bien comprendre cette phrase, ici. Les savants, ils l'ont expliqué, et parmi eux, Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, il nous dit, الذين يدعون الإسلام كثير. Ceux qui prétendent l'islam, ils sont nombreux. ولكنهم ليس عندهم من الإسلام معرفة ولا بصيرة إلا مجرد انتساب لكثير منهم. Il dit, pourtant, ils n'ont de connaissance de l'islam que le fait de s'affilier à cette religion, pour beaucoup d'entre eux. Pour beaucoup de personnes, la connaissance qu'on a de l'islam, c'est le fait de s'affilier à cette religion. Mais est-ce que les gens cherchent réellement à comprendre ce que c'est que l'islam? Les fondements de l'islam, beaucoup de personnes ont délaissé cela. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ. Il y a parmi eux ceux qui adorent autre qu'Allah. فَيَدْعُونَ الْأَوْلِيَا وَالصَّلِحِينَ. Ils invoquent les alliés, les walis, ainsi que les pieux. Et les gens se sont éloignés de la pratique authentique de l'islam. Et donc tu les vois dans les péchés, l'usure, le mensonge propagé dans la communauté musulmane. Ça c'est grave, ça nous montre comment nous avons délaissé la pratique correcte de notre religion. كثير من الناس لا يبالون بالحرام. Beaucoup de personnes ne font pas attention à si haram ou pas haram. Le plus important, c'est avoir de l'argent, un point, c'est tout. Certains sont capables de vendre de l'alcool en face de la mosquée. En face de la mosquée. On vend de l'alcool, normal. L'alcool est du porc, zid ali. Pourquoi ? Elle flousse l'argent. On ne fait pas attention au halal ou au haram. Et donc, les gens se sont éloignés de la pratique correcte de l'islam. Et aussi, les gens se sont éloignés du Coran. Oh, cher frère, il n'est pas voulu par ce livre le fait que tu apprennes le tajwid, etc. C'est pas ce qui est voulu, la base. C'est que tu œuvres avec ce livre, c'est que tu comprennes ce qu'il y a dedans. Ils sont où ceux qui cherchent à apprendre la langue arabe pour connaître le tafsir? Je veux connaître le tafsir. Il n'y a pas assez de dourous de tafsir en France. C'est vrai ou pas? Il n'y en a pas assez, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas assez. Alors ce que je vais faire, je vais apprendre l'arabe. Pourquoi? Comme ça, je veux écouter les dourous de tafsir. Je veux lire tafsir Ibn Sa'di en entier. Je veux lire tafsir al-Baraoui. Je veux lire tafsir Ibn Kathir. Je veux comprendre le livre d'Allah. Qui dit ça? Et donc, oh chers frères, c'est grave. Le fait qu'on ne cherche pas, on ne fasse pas plus d'efforts que cela pour comprendre le livre qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre comme guidé pour l'humanité. Et donc, nous sommes où? Dans l'application du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, il nous dit, leurs mosquées sont peuplées kharabun min al-huda. Et donc, une ruine concernant la guidée. هذه المساجد مزينة مزخرفة. Et donc ces mosquées, elles sont donc embellies. Tu vois des bidas comme des koubab, donc des coupoles, décorations à droite à gauche. Mais elle est où la guidée? Elles sont où? Ils sont où les cours? On médite, chers frères, concernant la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Min judou'in nakhl, des troncs, qui était une mosquée qui était faite à partir donc de troncs de palmiers. Wal jarid, et aussi donc les branches avec les feuilles de palmier. Idha nazal al-matar, kana an-nas yusalluna fi at-tin. Lorsqu'il pleuvait, les gens ils priaient donc dans la boue, la terre humide, et se prosternaient dedans. Aujourd'hui, tu vois les grandes mosquées, etc., etc. Et na durous, ils sont les cours. Et na tawhid, et na nashr sunna. Elle est où la sunna? Et donc, la situation de la communauté est grave. Il y a un voisin de la mosquée ici, un chrétien. Il me dit, moi, je suis chrétien, moi, je suis catholique. Mais cet homme, il est impressionné par le fait que les musulmans, ils viennent à la mosquée plusieurs fois par jour, comme ça. Il me dit, j'aurais bien aimé venir à votre mosquée. Parce que vraiment, quand je vais à l'église, il me dit, quand je vais à l'église, je suis impressionné, il y a plein de couleurs, des statues, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et moi, vraiment, j'avais envie qu'il vienne ici. Je lui dis, regarde ici, il n'y a pas plein de couleurs, il n'y a pas de statues, il n'y a pas de décoration, parce que ce n'est pas un musée. Nous, on vient ici pour adorer Allah Azza wa Jal. On vient ici pour adorer Allah Azza wa Jal, ce n'est pas un musée. Et c'est là que le croyant, il trouve son apaisement. Lorsqu'il prie, il est en relation avec son Seigneur. C'est pas lorsqu'il est déconcentré par des décorations qu'il y a à droite à gauche que les hommes ont innové, et des statues encore pires. Et encore une fois, donc, ô chers frères, le fait que certains savants ou certaines personnes qui s'affilient à la science, ici, il est cité dans le hadith, que ces gens-là sont les pires qu'il y a sur cette terre. Le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, il explique ce passage et il dit: لِأَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ كَلِمَةَ الْحَقِّ, car ils ne prononcent pas la parole de vérité. يُتَابِعُونَ هَوَى النَّاسِ, ils suivent les passions des gens. يفتونهم بما يصلح لهم ولا يغضبون المسؤولين. Et donc ils vont émettre des fatwas en fonction de ce qui arrange les gens. Et pour ne pas énerver les responsables, il faut que je garde mon poste. Voilà le problème. Il faut garder son poste. Il ne faut pas énerver les responsables. Il continue, Cheikh Al-Fawzan, rahimahullah. وَيَتَلَمَّسُونَ لَهُمُ الرُّخَصِ Et donc, ils vont chercher des permissions aux agissements des gens. Tout cela, donc, pour faciliter et pour éviter concrètement de se faire des ennemis. Parce que lorsque tu montres aux gens que ce qu'ils font n'est pas correct, alors là, oui. Oui, tu vas avoir des ennemis. Parce que les gens n'aiment pas quand on leur dit « Ah, c'est pas bien ce que tu fais. » Mais c'est la voie des prophètes. C'est la voie des prophètes. Lorsque tu t'engages sur cette voie, tu n'as pas le droit de trahir. Et c'est pour cela que ces gens-là, ceux qui ont trahi ici, ont fait quelque chose de très grave. Ils ont fait quelque chose de très grave. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et donc demain, bi'idhnillah, on continue. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيراً